Question 6. La distance de sécurité est suffisante si je reste derrière ce véhicule? Oui, réponse A. Non, réponse B. Si j'entreprends un dépassement? Oui, réponse C. Non, réponse D.